La nature paraît avoir engendré pour l'homme tout le reste. Mais, à de si grands présents, elle oppose de bien cruelles compensations. Et il est permis de douter si elle est pour l'homme une bonne mère ou une marâtre impitoyable. D'abord, il est le seul de tous les êtres vivants qu'elle habille aux dépens d'autrui. Aux autres, elle accorde des vêtements variés, des carapaces, des cuirs, des coquilles, des piquants, des crins, des soies, des poils, du duvet, des plumes, des écailles, des toisons. Elle a protégé contre le froid et la chaleur le tronc même des arbres, par une écorce quelquefois double. L'homme est le seul que, le jour de sa naissance, elle le jette nu sur la terre nue, le livrant aussitôt aux vagissements et aux pleurs. Nul autre parmi tant d'animaux n'est condamné aux larmes, et ceci dès les premiers jours de sa vie. Mais le rire, grand Dieu, le rire même précoce et le plus hâtif, n'est accordé à aucun enfant avant le 40e jour. Après cet apprentissage de la lumière, des liens, épargnés même aux bêtes nées dans la domesticité, le saisissent et garrottent tous ses membres, car les enfants étaient emmaillotés très serrés. Heureuse naissance! Le voilà étendu, pieds et mains liés, pleurant, lui, cet être qui doit commander aux autres. Et il commence sa vie par des supplices, sans avoir commis d'autre faute que celle d'être venu au monde. Quelle folie que de se croire, après de tels débuts, des droits à l'orgueil. Le premier espoir de force, le premier bienfait du temps, le rend semblable à un quadrupède. Quand a-t-il la marche d'un homme? Quand la voix? Quand sa bouche est-elle capable de broyer les aliments? Combien de temps? Ne sent-on pas les battements de son crâne, indice de la plus grande faiblesse entre tous les animaux? Ajouter les maladies, et tant de remèdes inventés contre les maux, et que parfois, de nouveaux fléaux rendent inutiles. Les autres animaux connaissent leurs capacités naturelles. Les uns ont une course légère, les autres un vol rapide, d'autres nagent. L'homme seul ne sait rien sans l'apprendre, ni parler, ni marcher, ni se nourrir. En un mot, il ne sait rien spontanément que pleurer. Aussi, beaucoup ont-ils pensé que le mieux était de ne pas naître, ou d'être anéanti au plus tôt. Le changement de femme en homme n'est pas une fable. Nous avons trouvé dans les annales que, sous le consulat de Licinius Crassus et de Cassius Longinus, une fille, encore sous la puissance paternelle, devint un garçon, à Casinum, et fut transportée par l'ordre des Aruspices dans une île déserte. Licinius Mucianus rapporte qu'il vit à Argos un certain Arescon, qui avait porté le nom d'Arescuse et qui a même pris Marie. Il lui vint de la barbe et des parties viriles, et il prit femme. Il en arriva autant à un garçon de Smyrne qu'a vu le même Mucianus. Moi-même, j'ai vu en Afrique Lucius Concilius, citoyen de Cydrus, qui fut changé en homme le jour de ses noces. Il vivait encore au moment où je rapportais ces faits. L'usage de brûler les morts n'est pas de première institution chez les Romains. Il les enterrait jadis, mais quand on apprit que ceux qui avaient péri dans les guerres lointaines étaient déterrés, on adopta la nouvelle coutume, ce qui n'empêcha pas que beaucoup de familles conservaient les rites anciens. Le mot sépulture est à comprendre de toute espèce d'obsèque, mais celle d'enterrement ne se dit que de la mise en terre. Après la sépulture viennent les différentes questions sur les mânes. Pour nous tous, l'état après le dernier jour est le même qu'avant le premier. Après la mort, le corps et l'âme n'ont pas plus de sentiments qu'avant la naissance. C'est en effet la même vanité qui nous porte à éterniser notre mémoire et qui nous fait imaginer, au-delà du tombeau, le mensonge d'une vie. Quelle malheureuse folie est cela de vouloir recommencer la vie après la mort? Quel repos trouveront jamais les êtres engendrés s'ils conservent du sentiment? Âme dans le ciel, ombre dans les enfers, donc sous terre, rien à voir avec l'enfer des chrétiens. Ces illusions et cette crédulité détruisent le principal bienfait de la nature, la mort, et elles doublent la peine de celui qui va mourir, en lui faisant attacher du prix à une vie future. S'il est doux de vivre, à qui peut-il être doux d'avoir vécu? Mais combien n'est-il pas plus facile et plus certain de nous croire nous-mêmes et d'appuyer notre tranquillité sur l'expérience de ce que nous avons été avant notre naissance.